Oh, comme des ballons! Cette semaine, il s'est passé plein de trucs hein, depuis la dernière émission. Donc là, but pour point dans le championnat anglais. Il s'est rien passé en fait, finalement. À force de se passer des choses, il s'est rien passé. Voilà, faut que tout change pour que rien ne change, je pense. Après, on a la Ligue 1 où là, il s'est vraiment passé des trucs puisque ça y est, nous l'annoncions, Lyon a enfin été pris. Donc c'est par Marseille et Bordeaux pour le moment, on va en parler. Puis après, championnat italien, il se passe que dalle, championnat allemand, il se passe des choses. Peut-être que Jürgen pourra nous en toucher deux mots, je ne sais pas. Mais je crois que l'événement principal de ces dernières semaines, c'est que Gourcuff a soulevé son premier trophée en France. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je vais tout de suite faire un petit tour de table pour demander comment ça va. Alors je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par toi, James. Ça va ? Ça va. Ok, un petit truc, je sais pas, un message. Je voudrais dire que ce week-end, j'ai marqué mon premier but de la tête avec mon équipe du dimanche. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est une bonne chose. Bon, toi, Johan, ça va ? Un petit but de la tête ou... Non, mais je voulais juste dire, belle revanche des porcs, hein, on ne l'avait pas vu venir. D'accord. Moi, Jérémy, alors, tu as quelque chose peut-être à dire ? Une excuse à formuler des excuses, peut-être. Voilà, je voudrais qu'on mette à culpa vis-à-vis de, notamment, Johan Gourcuff. Ouais. Donc, buteur, buteur en Coupe de la Ligue ce week-end. Super. Dont on avait annoncé la fin dernièrement. Oui. Voilà. C'est le Ensuite, je voudrais venir sur une chronique qui m'a été reprochée lors de la dernière émission. On va pas en débattre éternellement. Je voudrais juste citer notre maître à penser à tous, qui disait, lui aussi confronté à la diffamation il y a quelques années, « When the seagulls follow the trawler, it is because they think sardines will be thrown into the sea. » Bravo. Merci. C'est très beau. En tout cas, on a compris le message. Jérémy, je dois dire que c'est vraiment très beau ce que tu as fait. Je t'en remercie. Bon, on va finir, une fois n'est pas coutume, par David. David qui nous a fait un petit road trip en Écosse. Donc, tu peux nous faire peut-être du teasing sur ce qui s'est passé là-bas, vite fait. Ouais, donc j'ai préparé un reportage là-bas. J'ai eu l'occasion de voir un match de Division 3 écossaise. C'était très instructif. Mmh. Je tenais à dire que j'ai rencontré mon maître à penser à moi là-bas, hein, dénommé Keith McAllister, qui m'a tout appris de la vie. Il a inventé les passes, il a inventé le jeu, il a inventé... Le football. Écoutez les gars, on va commencer tout de suite avec la Ligue 1. Ligue 1, quand tu nous tiens. Avec le premier débat, c'est autour de Lyon, hein, puisque Lyon, là, on voit, est passé de la première place la dernière fois qu'on vous a quitté à la troisième, à la merci des ogres parisiens. Donc, est-ce que vous pensez que Lyon est définitivement out ? Est-ce que Lyon en UEFA, voire en Intertoto, c'est jouable? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible? Donc, je vais laisser la parole à David. Donc, j'ai une petite remarque à faire. L'Intertoto n'existe plus. Ah, c'est dommage. Et cette année, l'UEFA, c'est jusqu'à la cinquième place. Ah, donc l'UEFA peut-être pour Lyon. Cinquième. Même sûr. Ah, il va falloir aller chercher. Probable. Jérémy. Non, Lyon définitivement out pour le titre. Maintenant, ça me paraît à peu près assuré, notamment en vue de leur calendrier, qui va aller voir se déplacer encore à Marseille et à Toulouse. Après, pour la Ligue des Champions, faut voir que leur concurrent principal, ça reste Paris, donc ça reste quand même très jouable, je pense. On a vu qu'ils étaient à peu près tous les deux aussi mauvais sur leur dernière confrontation. Paris qui est toujours dans la course. Paris qui est toujours dans la course dans la Ligue des Champions, chose assez incroyable à ce moment de la saison. Et donc, après, est-ce que c'est souhaitable? En tant que fan marseillais, j'ai envie de dire oui. Franchement, si on pouvait assister à la fin de ça, notamment, ça va permettre à beaucoup de clubs de mieux s'exprimer sur le marché des transferts cet été en n'ayant pas à surpayer les joueurs comme ils sont obligés de le faire à cause des offres que Lyon envoie dans tous les sens depuis quelques années. Après, souhaitable pour le niveau général du championnat, quand on sait que ça signifie le probable certain de Benzema et probable de joueurs comme Toulalan, s'ils ne sont pas en Ligue des Champions en tout cas. Je ne suis pas sûr que ça soit souhaitable pour la concurrence à long terme. Ouais, d'accord. Donc toi, James, tu es heureux de cette chute de Lyon du podium ? C'est encore sur le podium. Ouais, c'est vrai. C'est encore jouable. Je dirais que mathématiquement, ils ont encore des chances de gagner. Par contre, au niveau de l'effectif, ça risque d'être un peu plus compliqué. Au niveau du fond de jeu, c'est un peu plus compliqué. Mais je les vois quand même arriver à la Ligue des Champions. Et je pense que ce serait une grosse perte pour le football français s'ils n'arrivaient pas en Ligue des Champions. Parce que mine de rien, c'est un des rares clubs à avoir l'expérience et l'effectif pour pouvoir au moins passer les phases qualificatives. Ouais. Ça me fait mal de le reconnaître, mais c'est pas vrai. Quand tu vois que Blanc dit que. Ça me fait mal de le reconnaître, mais c'est pas vrai. Par exemple, Bordeaux, il y a Blanc qui dit que pour eux, arriver déjà aux phases de poule, c'est un exploit. Ouais. Enfin, partir avec une attitude aussi défaitiste. C'est vrai qu'il y a un gros manque d'ambition quand on voit Le Guen qui se bat pour avoir cette quatrième place pour aller en UEFA, Coupe de l'UEFA qui lâche à partir du printemps pour justement jouer le championnat et se requalifier en UEFA. En Ligue des Champions, ça va être mal. Ils ont mis une équipe potable de PSG, même au début dans Wampoule, quoi. C'est vrai qu'ils avaient un parcours. Peut-être que l'année prochaine, ils ont en effectif. Je veux dire quand même que la France a peur, ou disons une partie de la France a peur. Est-ce que ce serait pas horrible de remplacer Lyon par Bordeaux? Remplacer Lyon par le Lyon du Bordeaux Sud-Ouest avec ou sans Gourcuff, par enfin le club un club sans passion, un club avec une ambiance de national dans une ville bourgeoise et triste et inintéressante. Vraiment, enfin on se plaignait du fait qu'à Lyon il y avait aucune passion, que c'était froid, que c'était sans personnalité. On veut vraiment remplacer ça par les Girondins de Bordeaux. Et je sais pas, il y a quand même deux choses à préciser. Bon, déjà le président, ça reste un coach qu'on a quand même plus envie de voir gagner que Puel ou Perrin, voire Rouillet ces dernières années. Ouais, mais ensuite, surtout, comment on peut dire, dans la même phrase, en parlant du club de Gourcuff, qu'il n'y a pas de passion dans ce club, quoi. Ouais. Ce joueur, c'est la passion incarnée, de toute façon. Ouais. Donc, à partir de là, évidemment, ça me ferait chier de voir Bordeaux champion. Gourcuff, c'est la passion. Tu l'as vu marquer son but? Tu l'as vu dans la coupe, hein? Il aura fait honneur au Vante. Il a joué à fond le jeu. Gourcuff, c'est un compétiteur avant tout. Gourcuff, c'est un homme sportif, un homme qui marque, un homme décisif, un homme de passion. Comment ne pas aimer le football quand on aime Gourcuff? Je te le demande. Je vais en répondre à tout pareil. Je voudrais juste préciser sur cette finale de Coupe de la Ligue, je pense que vu qu'on va éluder le sujet assez rapidement, je la considère quand même comme une victoire de la Bretagne par la présence de Gourcuff dans l'effectif de Bordeaux. Et puis l'autre coupe est déjà pour nous, donc Gourcuff, salutations à tous nos amis bretons qui nous écoutent et d'accord, qui profitent de cette riche saison footballistique. Toi Johan, tu de ce retournement de situation en Ligue 1, ça te fait plaisir? Comment tu vois l'avenir de Lyon? Comme tout le monde, hein, c'est plutôt triste que Lyon soit là, quoi. Enfin, ça serait triste qu'il soit pas en Ligue des Champions pour l'ensemble du championnat, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour l'ensemble du football français, quoi. C'est le seul à avoir des moyens, plus ou moins une stature européenne, quoi qu'on puisse en dire, et les moyens de recruter à l'étranger, quoi, voilà. Moi, je les trouve touchants, Lyon, maintenant. Ils les ont jamais mis en œuvre, quand même, ces moyens de recruter à l'étranger. Alors, peut-être que c'est enfin pour cet été, mais peut-être que justement, la perte du titre va faire que Aulas va devoir se bouger. Il peut plus assécher le championnat tous les ans, comme il le faisait. Il y a le problème du stade aussi. Oui, c'est vrai que ça fait deux ans qu'il y a déjà deux ans de retard, puis ouais, c'est vrai que voilà, c'est un peu omnibulé par ça et un peu plus distant vis-à-vis du terrain, quoi. Je trouve qu'ils ont jamais eu autant de charisme que depuis qu'ils perdent. On dirait que les gens brillent maintenant. Ah non, je trouve qu'ils arrivent. Ah, moi, j'ai envie d'en marcher dessus. Ils suffisent chaque match que je vois, j'ai envie qu'ils se prennent des branlés. Moi, je trouve ça triste. Ouais, non, mais sauf qu'ils arrivent à être de mauvaise foi, à être mauvais perdants. Enfin, j'ai vu une interview. Comment ça se fait voler par l'arbitrage? Franchement, Aulas a été cool sur l'arbitrage. Et Aulas a arrêté ses sorties sur l'arbitrage. Après le match du PSG, il est revenu. Ça fait deux matchs où il s'est fait voler quand même. Il y a deux ans, il aurait fait quoi? On aurait arrêté le championnat, je pense. Hein. Oui, bon, certainement. Non, mais c'est assez cool parce que j'ai vu une interview de Glacombe, je crois que c'était en novembre, où il part dans un espèce de délire. Enfin, il est d'une suffisance incroyable et il nous fait quand même un petit topo sur. Ouais, je crois que on va aller chercher le dixième. On veut l'étoile, c'est l'étoile qu'on veut. On va aller chercher le dixième. Et il finit sur. Je pense que Claude Puel a amené une nouvelle dynamique dans ce club. Mais voilà, c'était juste assez kiffant de regarder ça. Grosse dynamique. Dynamique, c'est le mot. En parlant de sortie catastrophique, ça nous permet d'embrayer sur Mandanda. Parce que ce week-end, on a vu des trucs horribles niveau gardiennage. Aïe. Si Steve Mandanda rate tous ses matchs jusqu'à la fin de la saison de cette façon-là, s'il arrête en pénalty et qu'on gagne 2-1, moi je signe tout de suite là. Il signe, il a signé. Il pense tout comme moi que Mandanda a rapporté quand même un nombre très important de points, voilà. Et que les 3 points à Lille lui sont en partie imputables. Parce qu'il y a eu des erreurs, il est plus ou moins responsable sur le but. Mais après, il sort un péno. Après, il fait une sortie aérienne catastrophique. Ensuite, il fait une sortie. Mais je te dis, il gagne. une sortie sur une relance de Zubar minable qui permet à Hazard d'avoir un but vide. Point rapporté, je pense qu'il est largement leader au classement des gardiens de Ligue 1. Quoi. Oui. Il y a des matchs qu'il gagne à lui tout seul, vraiment. Il fait comment pour marquer? C'est Mandanda. Non, il y a Chamac. C'est génial. Non, non, il y a Chamac pour marquer. C'est pas un problème, ça. Non, bon, après, c'est vrai que je l'ai trouvé étonnamment fébrile sur quelques gros matchs, quand même. Dont Lille, quand même. En UEFA particulièrement. Dont l'équipe de France. Oui, mais pour le coup, contre Lille, moi, je le trouve pas particulièrement responsable sur le but. Non mais non, c'est pas sur les autres pas entièrement, trucs. Mais sur bon, il y a deux sorties, heureusement Grenato oui, le coup. Il arrête un penalty. Bon, après il arrête un péno, ouais. Clairement bon. Un moment très mal frappé. Du match, quoi. Ouais. Aussi. Ouais. Mais bon, bon, après c'est Bastos, ouais. Hein, ça reste un joueur médiocre. Nouveau Kader Keïta, on peut pas s'attendre à ce qu'il tire les penalties corrects. Bah, quand on voit Bastos se faire bouffer comme il s'est fait bouffer par Caboret ce week-end, ouais, le meilleur joueur de Ligue 1, moi ça me fait ça triste pour un mec carrière droit depuis un mois. Et par Zubar parce que Bastos, après il a vachement dézoomé à droite. Ouais bah oui. Je vais prendre un mi-temps. Sauf que Zubar a sorti le tacle de l'année, très très clairement. Espèce de tacle fou, double contrôle cuisse tibia. Non, c'était mais heureusement qu'on l'a pas sorti Théo quand tu vois ce que lui met Zubar et Caboret. Je pense que moi, il aurait mangé avec la sauce. Si Duel veut récupérer son chouchou l'année prochaine, s'il veut récupérer son Bastos, c'est que Olas est prêt à mettre les thunes. Moi je dis banco. Ouais. Ils ont besoin d'un joueur à gauche en plus. Il est à Foro. Est-ce que vous avez vu la déclaration de Gerrits hier à propos de Zubar? En disant qu'il était exceptionnel. Non. La formulation est fabuleuse. Ouais. Il a dit, je pense sincèrement qu'il peut faire carrière dans le football. Ça revient à ce qu'on pensait. Moi, je pense que c'est perdu. C'est un athlète. Sport, en fait. C'est un athlète. Mais donc, je pense qu'on pourrait faire une rubrique. Moi je pense que le sport professionnel peut être fait pour lui, hein, que ça soit des sports de combat. C'est vrai qu'il court peut-être plus vite que Ronald Pognon. Ah, puis il a un côté, oui, il a quand même une masse musclée douce. Videur. C'est une option. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, mais il est trop gentil pour être videur, je pense. Bah, alors, agent de sécurité. Ouais, dans un champion, un truc comme ça. Ouais, dans le champion, rue de Seine. Là, ça mérite réflexion, hein. C'est pas des trucs qu'on doit dire à la va-vite. On peut enchaîner avec Marseille, parce qu'à part Mandanda, il y a quand même une équipe qui, là, fait une série absolument incroyable de 6 victoires consécutives, je ne me trompe pas, David. Je pense, c'est ça, ouais. Je pense qu'on va rester serein. Eux, ils sont sereins, il reste 5 matchs. C'est la grinta. Il reste 5 matchs. Clairement, il y a une. Non, mais clairement, il y a incarné par deux joueurs aujourd'hui qui n'étaient pas là en début de saison et qui vraiment font la différence, que ce soit au niveau mental ou Bourgogne de Lorient, c'est même eux qui ont marqué, mais que ce soit Brandao devant et Renato derrière, ça tire les Nantes. Ah non, mais ça change tout. Non, mais. Bah ouais, mais contre. mais contre Nantes, c'est eux qui marquent les deux aussi. Et Atem qui commence à faire des périodes de 10 minutes à peu près potable. Parlons Atem. Atem Ben Arfa. Parlons Atem, parlons philo, j'ai envie de dire. Parlons philo. Ouais. Donc c'est une nouvelle rubrique qui va commencer à partir d'aujourd'hui, puisqu'on commence à vouloir donner une dimension un petit peu plus culturelle à cette émission. Donc vous allez voir, on va partir sur l'économie, l'histoire et la philo. Donc je vais commencer avec cette citation et puis nous allons pouvoir chacun commenter. Hein. Il faut savoir se perdre pour un temps si l'on veut apprendre quelque chose des êtres que nous ne sommes pas nous-mêmes. Qu'en penses-tu, Johan? Moi, Nietzsche, je le lis qu'en allemand, je suis désolé. Ouais. Ah, on va attendre l'arrivée d'Jürgen peut-être, non? Non, enfin, je pense que c'est une phrase qui résume bien le début de carrière et l'état d'esprit général d'Athem. Il prend son temps. Il se perd. Mais il apprend beaucoup. Ouais. Et finalement. J'espère qu'il apprend beaucoup parce que 11 millions. Non, mais de toute façon, Athem Ben Arfa, on l'a recruté pour un seul match. Lequel? Moi, je veux juste qu'il humilie Lyon au Vélodrome. Ah ouais. Ouais, je compte pas mal sur Will Tord sur ce match. Ouais, aussi. Qui revenait bien avant de se blesser à nouveau. C'est dommage qu'il n'y ait pas Fred. Ah oui, ça aurait été sympa, un petit choc entre. Et un dernier mot sur l'OM, je voudrais parler d'un joueur qui explose aussi en ce moment sur son aile droite. C'est Charles Caboret, qui honnêtement. Il fait pas un super match à Lille. Il fait preuve quand même d'une. Bah, en fait, c'est comme son troisième centre décisif en 5 matchs arrière droit. Par contre, offensivement, ce il qui est à peu près ce qu'a fait Bonnard en 2 ans. Ouais. Il a quand même muselé quelques bons joueurs. Lui apparemment n'est pas content de jouer à ce poste, mais Guéret, qui est un ancien arrière droit, pense que ça peut être vraiment un poste où il peut s'épanouir. Et moi, vraiment, je le voyais plus dans l'axe, mais là, sur ces 5 derniers matchs, il m'a vraiment impressionné. On dirait une sorte de Théo droitier, toute proportion gardée, qui resterait à façonner. Mais il y a les qualités physiques, il y a le centre. Non, c'est intéressant. Moi, l'impression que j'ai avec cette équipe de Marseille, c'est qu'en fait, la plupart des joueurs, l'équipe est sur une telle dynamique que n'importe quel joueur va dépanner à des postes qui sont pas du tout les leurs. Ouais, je pense qu'ils sont tous à 150%. Non, c'est ça. Guéret, on voit Zubar tenir son poste à gauche, clairement, il y a un truc. Non, mais moi, j'étais avec James et Johan pour voir ce match. Quand j'ai vu Zubar à l'air gauche, je me suis dit, mon Dieu, Bastos va dézoner, il va se prendre Hazard sur le museau, il va rien comprendre. Et au final, Zubar, il fait un gros match. Enfin voilà, ils sont tous là. Ils sont baraboutés. En ce moment, c'est assez impressionnant. C'est un gris-gritter, ce gars. Merci les gars pour ce petit point Ligue 1. On va passer à la Ligue des Champions qui commence ce soir. Donc les mythiques, trois équipes anglaises en demi-finale plus Barcelone. Alors la grosse question qu'on se pose, c'est est-ce que Barcelone a vraiment les armes pour aller décrocher le titre? C'est un peu ce qu'on souhaite tous, mais finalement, est-ce que c'est de l'ordre du possible? Je te pose la question, Jérémy. Alors, tout d'abord, je ne le souhaite pas. C'est vrai qu'il est anti-Barça. Ensuite, je voudrais. Bon, j'avais d'abord une proposition à faire qui me paraissait assez intéressante pour Platini ces prochaines années. C'est d'envisager la fusion de la FA Cup et de la Ligue des Champions, qui présente à peu près le même tableau à partir des demi-finales. C'est grotesque, c'est grotesque. Ou au moins de dispenser les clubs anglais de poules et de huitièmes, quoi. Enfin, parce que bon, là, ça devient n'importe quoi. À part ça, le Barcelone sauveur du foot européen, bah, non, j'y crois pas. Honnêtement, cette année, bon, on verra. Hein. Ils vont enfin jouer un gros club parce que rappelons que pour l'instant, ils en ont pas joué. Alors, ils ont joué le Real en championnat, ils ont gagné poussivement, ok. Ouais, ils ont gagné poussivement. C'est vraiment pas objectif sur le Barça. Là, quoi, ils ont joué. Laisse-moi mon argumentation. David, tu en sauras après. Oui. C'est vrai. Les équipes qu'ils ont éliminées en Ligue des Champions, le Bayern, Lyon, respectivement troisième de championnat qu'on a. De seconde zone. Tout le monde qualifiera de miteux. Deux clubs minables, une défaite et une victoire très poussive encore une fois contre le Shakhtar dans les groupes. Ça. Donc en fait, aucun gros test cette année pour le Barça, hein. Aucun gros test pour le Barça et surtout, donc on a en fait pas vraiment d'idée de leur niveau actuel. Je voudrais aussi me remettre en doute la qualité de leur banc par rapport à leurs adversaires du soir, Chelsea. Bon, il y a des joueurs clairement irremplaçables au Barça, hein. Probablement pas le cas à Chelsea, je pense. Si c'était le cas, il ferait pas tourner l'effectif comme ça. Tu trouves que le Barça peut tourner depuis l'effectif? Énormément. Alors là, énormément en championnat, énormément. Énormément, je sais pas. Énormément. Chaque fois je vois le Barça, c'est la même équipe. Il se passe de 6 titulaires à chaque fois. Ouais. Il y a énormément de matchs où ils jouent sans Xavi, sans Iniesta, sans Messi. Ils mettent Keita, dernier match, il y a toujours au moins 2 des 3 devant qui jouent. Le trident, Non, c'est faux, c'est faux. Non, il y a jamais un seul des 3. C'est rare, ouais. C'est faux. Ouais, voilà. Je précise. Messi était au repos ce week-end. Par exemple, Gudjonsson a joué. Encore une fois. Après, physiquement, je pense qu'ils tiendront pas le coup. Et trois du milieu, quand ils ont le ballon, c'est génial. Quand ils l'ont pas. Mais la différence, c'est que quasiment tous les joueurs ont été formés au club. Ou énormément de joueurs ont été formés au club. Ce qui fait que n'importe qui vient du banc a tellement intégré le système de jeu que ça en fait des pièces interchangeables. Oui, c'est vrai. Non, les mecs du banc, justement, sont pas du club. Enfin, tu parles de Gudjonsson, Busquets. Oui, Busquets, ok. Ouais. Est-ce que je peux répondre point par Busquets, point Busquets, il est pas du tout. Enfin, Busquets, le remplaçant a priori au milieu, c'est plutôt Seydou. Pour toi, donc Séville, Valence, Villarreal, à Barcelone, bon, sauf ce week-end, a fait la rondelle. On est quand même des grosses tollées, c'est-à-dire c'est de l'ordre de 4-0 à la mi-temps. Pour toi, c'est pas des matchs référence. Il y a eu des 4-0 à la mi-temps contre Villarreal, contre Séville la semaine dernière. Écoute, Séville, vraiment bonne équipe, mais ça a rien à voir avec ce à quoi ils vont être confrontés en demi-finale de Ligue des Champions. Faut bien être clair. D'accord. Et tu penses pas que la lenteur incroyable de la défense de Chelsea risque de faire défaut? Faut vraiment voir. Moi, je pense que Chelsea va évoluer super bas. En fait, je les vois pas du tout. Je pense que, je sais pas. Ils vont blinder. Moi, j'ai hâte de voir surtout le Barça jouer sans ballon, quoi, parce que c'est une équipe qui monopolise le ballon. Mais ils vont laisser le ballon de Chelsea. Oui, alors Chelsea va jouer super bas. Ils vont jouer super bas et garder le ballon. Ça, je comprends pas. Une passe à 10 dans sa surface. Non, mais je pense qu'ils vont jouer bas par rapport à la défense. Mais après, je pense que Chelsea va quand même toucher plus la balle que les adversaires que la Barça a l'habitude de jouer. Ils vont faire un catenaccio. pour boucler la boucle. Non, mais voilà, en tout cas, je pense que ce serait quand même une bonne chose pour le football en général que le Barça gagne la Ligue des Champions cette année. Et c'est pas parce que je préfère le Barça que les clubs anglais à la base. Ce serait une bonne chose pour asseoir la légende du Barça. Non, on en a beaucoup parlé avec Johan. Et l'équipe du Barça en première mi-temps contre le Bayern, c'est la plus belle équipe de foot que j'ai vue. Parce que Christian Jean-Pierre l'a dit à l'antenne, c'est juste parce que quand tu regardais cette équipe jouer, tu te disais, putain, vas-y, donne-la à gauche, putain, vas-y, donne-la. Enfin, je sais pas, donne-la à Messi et les mecs dans la demi-seconde qui suivait, ils faisaient ce que tu voyais comme un con devant ta télé, quoi. Et ça, c'était. Toi, tu parles à ton téléviseur. Mais oui, bien sûr que tu fais partie de cette race de gens. Le Barça, c'était la meilleure publicité pour le foot. Jamais vu un match aussi beau. Bien sûr. C'est ça que je veux dire. On a touché un match aussi beau toute ta vie. Une équipe. C'était une démonstration de football, c'était pas un match. Bah voilà. Un beau match pour le coup, c'était. Mais un bon 4-0, un bon 4-4. Un bon Liverpool Chelsea, ça c'était un gros match, quoi. Enfin, ah non, non, c'était pas du foot. Mais oui, il y avait pas de tactique. Non mais attendez, c'est un débat stérile là. Bah oui, mais je te dis, le Barça a quand même une esthétique de jeu qui est hyper plaisante. pas, clairement. Non, mais c'est vrai, non, ouais, ils sont beaux dans leur mouvement. Non, bien sûr. Sauf que Jérémy n'aime pas le Barça. Depuis que je le connais, il n'aime pas le Barça. Et donc. Non, mais il a le droit. Il a le droit s'il veut. Je reconnais que le jeu pratique est agréable. Je pense qu'il est complètement surestimé à la manière de plein de joueurs ou de clubs surestimés qu'on décrit toutes les semaines. Moi, je pense que c'est le cas du Barça. Mais c'est pas parce que Christian Jean-Pierre a dit que le Barça est une équipe fabuleuse qu'on est tous obligés de dire ah non, on n'est pas des footiques, on ne suit pas la vie de Christian Jean-Pierre. C'est pas une question de talent. Moi, je te le dis. En gros, tout le monde, depuis le début de l'année, est fan du Barça. Voilà, mais ils sont plus qu'à 4 points d'avance en championnat. La Ligue des Champions, elle est loin d'être gagnée. Qui va à 4 points d'avance. Est-ce que t'as vu la cadence du Real? Points, les deux. T'as vu la cadence du Real? Bah voilà. D'accord. Donc, bon, okay. c'est. La cannelle, et 4 points, c'est rien. L'équipe de tous les temps, comme on nous la présente, elle pourrait quand même faire cette saison sans titre. Elle peut. Elle est à 82 points, là, l'équipe du Barça, à 5 journées de la fin. C'est incroyable. Après, le Madrid, depuis le changement d'entraîneur, perd un match face à Barcelone et fait un match nul. Enfin, c'est un rythme incroyable. Ouais, donc, alors après, voilà, jouer la cadence du Barça dans la Liga, qui est quand même pas non plus le championnat le plus pourrave d'Europe, est quand même incroyable. C'est des 4-0 tous les week-ends. Hein. Et ça inclut Séville, Villarreal, etc. Non, c'est clair, ils ont fait un très bon championnat, ils sont en train de battre un record de buts. C'est ça que je veux dire. Après, on parle de Ligue des Champions, encore une fois. Et là, faut quand même noter un truc, c'est que depuis la finale Milan-Liverpool, les clubs anglais n'ont été sortis que par des clubs anglais en Ligue des Champions. Ouais. Aucun club n'a réussi à sortir un club anglais. Bon, donc voilà, on verra peut-être que Barcelone peut faire. À part Barcelone, il y a deux saisons. Contre Arsenal, mais c'est avant ça. Ouais, c'est juste avant Milan. C'est l'année d'avant, Liverpool. Donc depuis le deuxième Liverpool Milan. Ah, Liverpool Milan qui a gagné, donc j'aurais pas dû. Il est très très fort. Très bien, on peut aussi parler du deuxième match. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout un peu, mais ça va être quand même une belle confrontation. Fan. D'accord, tu peux nous en parler alors, rappelle-nous déjà quel match. Ça va être une belle confrontation. Très honnêtement, je pense qu'on va voir Arsenal déjouer. Alors que Manchester va tout faire pour pas jouer à l'anglaise, comme ils font toujours en Coupe d'Europe. Ils vont tout faire pour casser le jeu, pour tenir le milieu de terrain, et ensuite ils vont marquer un but dégueulasse, comme ils ont. Comme à Porto. Dernier tour, ouais, vraiment dégueu, quoi. comme ils ont l'habitude de faire. Et ensuite, ils vont blinder, parce que la défense d'Arsenal est franchement un peu fébrile en ce moment. Ils ont pas Archavine, ils ont encore des mecs qui reviennent de blessure, il y a des bailleurs qui reviennent de blessure. Il y a trois clubs anglais, c'est la deuxième année consécutive. Est-ce que on peut parler d'une domination du football anglais à long terme pour l'avenir? Est-ce que vous pensez que c'est jouable? Est-ce que c'est conjoncturel ou structurel? Donc on va baser sur un débat peut-être un petit peu plus économico-socio-culturel avec toi, Jérémy, tu peux... Non, moi je pense pas en fait à cette fin de théorie de la fin de l'histoire, hein. Ouais. Je dirais Fukuyama, plutôt à une vraie théorie des cycles à la Kondratiev. D'accord. Donc on a eu un cycle italien qui s'était fini par une... D'abord un cycle espagnol plutôt avec Valence-Madrid en finale, avec trois clubs espagnols en demi. Ensuite, ça a été les Italiens, donc avec les trois gros, Milan-Juve en finale. Maintenant, les Anglais. Non, je pense que ça peut être remis en cause, mais là, ils sont en train de prendre une grosse avance. Les droits télé en Angleterre ont pris une proportion incroyable. Maintenant, quel va être l'effet de la crise là-dessus? On sait que la livre sterling est dévaluée de jour en jour. Est-ce que les autres clubs européens vont récupérer plus de pouvoir économique et pouvoir contrer? Je ne sais pas. Ouais, donc toi, il y a peut-être un argument économique qui est... envisageable pour appuyer ta théorie. Je pense que la Grande-Bretagne va rapidement regretter son passage à l'euro. Quand ils pourront plus assumer des salaires. Son passage à l'euro. Son refus du passage à l'euro, excusez-moi. Voilà. Donc le problème, selon toi, c'est la thune, quoi, Jérémy. Ah bah clairement, ce qui fait la puissance du foot anglais aujourd'hui, c'est quand même la thune. Hein. Et pourquoi on a moins de résultats que les Portugais? C'est pas le pouvoir d'attraction de la Ligue anglaise. Ah bah après, parce qu'on est des branleurs, mais bon, après, c'est le problème du football français, c'est pas uniquement la thune. Après, dans les championnats, dans les clubs bien gérés, c'est sûr que c'est mieux d'avoir des thunes au départ, tu vois. Quand t'as des bons gros clubs, ça, en France, non, il n'y a pas que la thune qui fait le succès. Bon, après, la thune vient aussi avec des succès, etc. Lyon est devenu la plus grosse puissance financière. Ça, mais regarde, succès, compare des clubs moyens anglais avec des budgets bien moindres que Paris ou Marseille. C'est pas qu'une question d'argent. Tu regardes Aston Villa, tu regardes Everton. Bon, les hauts clubs du haut championnat français peuvent les taper, quoi. Enfin, voilà, notre premier équivalent du 6e anglais, quoi, si tu veux, ou 5e, 6e anglais. Vous voulez dire que Guiron nous ment depuis des années? C'est possible. C'est possible. Ça serait dur, mais c'est possible. Tu sais de quoi je parle, toi, le footix, là? Pas du tout. Très vrai. En France, les problèmes se situent pas seulement au niveau de l'argent, mais ensuite quand on parle des, c'est assez incontestable. Voilà, les clubs anglais ont plus d'argent. Non, mais on les accusait d'avoir plus d'argent comme si c'était des... Mais je n'accuse personne. Ils ont tout fait pour. Non, mais ce qu'on veut dire, c'est que les Français pourraient faire mieux, clairement, que ce qu'ils font. Après, je pense pas qu'ils puissent faire aussi bien que les Anglais. Quoi. Non, mais qu'est-ce qui les empêche de faire aussi bien que les Anglais? Non, moi, la regarde. Les Anglais, ils ont décidé il y a 20 ans de changer leur sport. Oui, bah ils ont construit des stades, ils ont un public qui regarde tous les matchs aussi. Oui, mais parce qu'ils ont décidé d'en faire un vrai spectacle. Parce qu'ils ont décidé de ramener les familles dans les stades, ils ont décidé de pouvoir le diffuser d'une manière assez bien. C'est pas mon foot non plus, c'est parce que je souhaite. Voilà, exactement. Moi, je suis absolument d'accord avec Jérémy. Le rapport Taylor, pour moi, a tué le football anglais. La réfection des stades, construire tous ces stades high-tech pour faire venir que des yuppies dans les stades. Ah, mais il y en a marre du football. Ça y est, il y a des cutéreux, donc c'est du vrai football, ça va quoi. Il reste encore des clubs en Angleterre où tu peux aller voir manger ton saucisse frite. Regarde Marseille, il y a avoir 5 en Angleterre, t'entends que les Marseillais dans le stade, il y a plus d'ambiance en Angleterre. Même à Anfield, il y a pas une vraie ambiance. On va déconner, à Anfield, même ils continuent à chanter même quand ils perdent. Bon, les Anglais avaient une grosse ambiance, ils en ont plus. Nous, on n'a jamais eu de grosse ambiance, on a moins baissé que les Anglais. Et c'est pas seulement une question d'ambiance, le football britannique est en train de perdre complètement son identité, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Mais enfin voilà, bon. C'est-à-dire que quand tu vois un match comme Chelsea vs Liverpool, tu te dis pas typiquement ça c'est un match anglais. Dans l'état de... Non mais c'est pas la question, dans l'état d'esprit, dans la manière de jouer, tu me dis pas que ça c'est un match alors, typiquement anglais. Peut-être que ce Liverpool-Chelsea, parce que c'était n'importe quoi. Tu trouves pas ça remarquable que les équipes où il y a presque pas d'anglais pratiquent quand même un jeu anglais? Tu vas me dire que le football anglais se perd. C'était en quelle année la demi-finale Chelsea-Liverpool? C'est l'année où Liverpool gagne, c'est en 2005. Ouais. Ça c'est certainement le match le plus européen, le plus tactique. C'est le match italien que j'ai vu de ma vie. Et regarde la manière dont Benitez a changé son jeu en 4 ans. Tout qu'il a recruté Torres et qu'il marque des buts alors qu'avant il jouait avec des joueurs de seconde classe devant et que sa défense prend un peu l'eau. Mais j'avoue, pour moi c'est vrai que Liverpool, la seule modification importante sur la dernière année, c'est Torres. C'est l'attaquant. C'est ça. Mais ensuite, ils ont deux joueurs de classe mondiale dans l'équipe. Il y a une époque où tu regardais Liverpool, tu te faisais chier. Enfin, oui, moi le football anglais ne me fait absolument pas envie. À la rigueur, les résultats en Coupe d'Europe m'importent pas tant que ça. T'es comme Bégodeau, toi, en fait, c'est ça. Tu défends le point de vue de Bégodeau. Bah ouais. T'es pareil que lui, toi, tu veux des 0-0 qui te fassent rêver, quoi. Des Lorient-Nancy de folie. Ouais, mais alors il y a quand même un truc qu'il faut constater, c'est que ces fameuses équipes anglaises, elles ont très peu d'internationaux anglais dans leur effectif, en tout cas parmi les titulaires. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut souligner. Alors, on parle de la gloire du football anglais. Et je pense que peut-être, David, tu peux nous faire une petite chronique arlésienne à propos de ce constat. Voilà, donc en parlant de ton road trip en Écosse. Merveilleux. Voilà, donc j'avais promis une chronique un peu historique, un peu Papy David vous raconte une histoire au coin du feu. Mmh. En allant en Écosse, j'ai entendu parler certainement du plus grand mythe du football écossais. Et je me suis un peu renseigné, j'ai essayé de vous concocter un petit truc, donc on verra ce que ça donne. Mais voilà, donc effectivement, j'ai été chercher quelques statistiques sur les équipes présentes en demi-finale. Donc on constate qu'à Arsenal, il y a un seul joueur anglais, Theo Walcott. Sur le terrain, tu veux dire, en titulaire. Oui, enfin on peut rajouter Gibbs à la rigueur, mais qui jouera. Ouais, il va jouer parce qu'il y a des blessés, mais je veux dire. Uh-huh. Donc, on va dire deux joueurs anglais à Arsenal. Al-Mounia, il revient. Pour te faire plaisir, voilà. On a trois joueurs anglais à Chelsea. Lampard. Terry, Ashley Cole. Peut-être Joe Cole. Joe Cole est blessé. Donc oui, je pense qu'il est quand même anglais. Mais il est blessé jusqu'à la fin de la saison. On a à peu près 5-6 joueurs anglais à Manchester United avec 3 titulaires indiscutables. Après, on a des joueurs d'appoint type Wesley Brown, Gary Neville. Est-ce que tu comptes Giggs comme un joueur anglais? À ton avis? Non. D'accord. Ensuite, au Barça, par contre, donc là, c'est certainement le gros particularisme barcelonais, c'est qu'on a 7 joueurs espagnols au Barça. Et combien de joueurs anglais? Qui jouent régulièrement. Donc on a Puyol, Piqué, Valdés, Iniesta, Xavi, Busquets, Boyan. Et à noter que seul Iniesta n'est pas véritablement catalan, c'est le seul à pas être né en Catalogne, ce qui est quand même à noter, même si bon, on va pas faire du Christian Jean-Pierre, donc voilà. Mais félicitations quand même au Barça, je trouve que c'est quand même intéressant, même si on peut quand même arguer que leur meilleur joueur, le trident offensif fabuleux, est à 100% étranger. Ou enfin Iniesta Xavi, c'est pas mal. En partant de ça, je vais vous raconter une histoire, une très très belle histoire, l'histoire d'un autre football, un football qu'on verra peut-être plus jamais. Une épopée. Un football beau, un football vrai surtout, et un football qui se vit en vert et blanc. Je vous parle de l'histoire The Lisbon Lions, The Jags Team. Ah bah oui. Les Lions de Lisbon. Évidemment. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, à ce que Christian Jean-Pierre pense certainement en son fort intérieur, c'est bien un club écossais qui a ramené la première Coupe d'Europe de l'autre côté de la Manche, et c'est même un club écossais qui a remporté la première coupe, enfin qui a ramené la première coupe ailleurs que dans un pays latin, puisqu'en fait le Benfica et les deux clubs de Milan avec le Real de Madrid s'étaient partagé les premières éditions de la Coupe d'Europe. Donc on va en venir à cette histoire. Donc en 1967, la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, qui n'était pas encore Ligue des Champions à l'époque, on voit une opposition totale et surtout très déséquilibrée pour tous les médias de l'époque, entre le grand Inter d'Elenio Herrera, dont Jérémy nous avait parlé dans sa chronique plagiée la semaine dernière, et une équipe de 11 lads écossais, tous nés à 50 km autour de Glasgow. C'est-à-dire que le joueur qui... De la même famille, quoi. À peu près, ouais. Ils s'appellent tous Thompson et Wallace. Et mené par un coach mythique, donc Jack Stein. Voilà, il faut, juste pour situer le contexte, l'Inter restait sur deux victoires en Coupe d'Europe des clubs champions sur les trois dernières années, deux coupes intercontinentales et deux championnats d'Italie sur les trois années qui précèdent cette finale. Balèze. C'est l'Inter défensif de Herrera, c'est le Catenaccio, c'est exactement ce qu'avait évoqué Jérémy la semaine dernière. Et à ce moment-là, l'Inter est considéré comme quasiment injouable, surtout pour une équipe britannique réputée comme étant, voilà, on attaque à tout vent, on fait un peu n'importe quoi. Et en fait, c'est là on a beaucoup de, voilà quoi, de... comment dire, d'arrogance britannique, c'est toujours rigolo. Jockstein va expliquer en fait à la presse, peut-être une semaine avant le match, comment il va battre Elenio Herrera. Il va aller voir la presse, il va leur dire, écoutez, allez voir Elenio Herrera et dites-lui que je vais le battre comme ça. On va attaquer comme on n'a jamais attaqué auparavant. C'est tout. Jockstein annonce ça. Deux jours avant le match, Jockstein convoque la presse. Il annonce son équipe, la composition, la tactique, un 4-2-4. On y reviendra avec Jérémy tout à l'heure. Comme pour montrer aux Italiens que les Écossais n'ont absolument pas peur de rien, personne, et surtout pas de 11 Italiens en short, peu importe la classe qu'ils peuvent avoir. Avant le match, là c'est très difficile de raconter. Mais... Tu la romances là, ouais. Bah, non, mais je pense que c'est une histoire romancée, c'est vraiment très beau. Donc avant le match, les joueurs écossais vont en fait tomber sur les Italiens à l'échauffement. Donc voilà, l'Inter de l'époque, c'est vraiment le Barça aujourd'hui. C'est la meilleure équipe du monde, personne ne sait comment les battre. Meilleur joueur à chaque poste, la classe, Facchetti, Mazzola. Ouais. Donc les Écossais voient ces Italiens, ils sont beaux, ils sont élégants, ils ont ces maillots de l'Inter que vous connaissez tous, qui sont quand même Roger plutôt Noir. Cool. Exactement. Et en fait, il y a un des joueurs écossais, ouais. Root son état évidemment, qui va regarder ses coéquipiers, et il voit ses coéquipiers médusés, ses coéquipiers qui regardent comme ça avec envie les Italiens. Et là, il prend sa bonne voix d'Écossais qui vit dans un pub, et il commence à entonner de Celtic Song. Ah. Et tous les joueurs écossais reprennent en cœur cette team des supporters du Celtic. Et là, pour le coup, la confiance change de camp. Et là, les Italiens regardent ces Écossais et ils se disent, on sait qu'on va les battre, mais ils ont quand même l'air vraiment bizarres. Comme nous l'avait annoncé Jock Stein, on a vu. Malgré un penalty d'entrée, 7e minute de jeu, l'attaquant italien s'effondre dans la surface. J'ai vu les images. Pff, à mon avis, c'est discutable. Mais bon, bref. Déjà. Voilà, déjà les Italiens trichaient. Le Celtic va attaquer. Ils prennent un but à la 7e minute. Ils jouent contre une des meilleures défenses de tous les temps, peut-être. Mais ils vont attaquer. Ils vont attaquer, attaquer, attaquer, attaquer. 43 tirs. 2 barres. 13 arrêts du gardien. 7 frappes contrées in extremis. 19 frappes seulement non cadrées. 2 buts. Au 63e et 83e minute. L'Inter, pendant ce temps-là, n'obtiendra pas le moindre corner, ne cadrera que 2 frappes en dehors du pénalty. Le nom des buteurs est absolument inutile. C'est le Celtic de Glasgow. C'est Glasgow tout entière qui marque 2 buts à Sarties ce jour-là. 12 000 supporters qui ont fait le trajet avec leurs frères, leurs amis, leurs représentants, ces 11 Lions de Lisbonne qui resteront à jamais dans la légende du football britannique, ces 12 000 Écossais qui étaient sans doute sous, sans doute moches, sans doute catholique pour la plupart, sans doute, qui parlait sans doute un anglais complètement incompréhensible, c'est eux qui ont ramené le trophée sur l'île de la Reine. Si c'est eux qui viennent la chercher un jour, une nouvelle fois, alors laissez-la leur. Et voilà, donc on va citer Jack Stein, le principal artisan de cette victoire du Celtic, qui a un jour dit « Celtic jerseys are not the second best. They don't shrink to fit Imperial plays. » Bon, je l'ai, c'est une traduction personnelle, hein, ça vaut ce que ça vaut. « Les maillots du Celtic ne sont pas pour les seconds. Ils ne rétrécissent pas pour être à la taille de joueurs moins bons. » On va passer donc à la rubrique star de cette émission, à savoir la rubrique Perrault la. Et alors là, il y a débat. Perrault la science, Perrault la pompe. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, c'est un peu sous-jacent depuis le début de l'émission, mais je vais quand même laisser la parole à celui qui était en tout cas l'idole des tactico-techniciens. C'est peut-être plus le cas aujourd'hui, mais je vais lui laisser la chance de se racheter aujourd'hui. Je te laisse la parole, Jérémy. Bon, alors aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps, donc ça sera une rubrique assez succincte. Et on va la vouloir un petit peu plus interactive que d'habitude. D'accord. Ouais. Alors, on va commencer par des petites questions pour tester les connaissances de chacun. Est-ce que vous savez quel est le seul club anglais qui dispose d'une station de métro à son nom? Crystal Palace. Non, c'est Arsenal. Donc, est-ce que vous savez qui a inventé les protèges tibia, les crampons moulés, le tableau noir, le staff technique? Dieu, Frédéric Gantz. Et là-bas, tout ça, c'est la même personne. C'est Herbert Chapman, donc un Écossais encore une fois, qui a une carrière de joueur assez miteuse, mais qui a une carrière d'entraîneur exceptionnelle derrière. Donc ça se passe en gros dans les années 20, les années 30. Il remporte 3 titres avec une équipe modeste de Huddersfield. Et par la suite, il va signer à Arsenal, où là, il va pouvoir vraiment exprimer tout son talent de visionnaire, que ça soit au niveau tactique ou finalement pour tout ce qui est à côté du foot, parce que c'est lui qui a, juste, par exemple, il s'occupait vraiment du soin de ses supporters. C'est lui qui a mis un toit à Highbury pour que les supporters soient pas mouillés. C'est lui qui a mis des numéros sur les maillots des joueurs. C'est donc un philanthrope. Pour qu'on puisse reconnaître le bon mec. Ouais. C'est lui qui a demandé à la BBC de commenter le premier match de foot en direct. Avec Christian Jean-Pierre. Je ne sais pas pourquoi on leur demandait ça à l'époque. Avec Christian Jean-Pierre, déjà. non, il a inventé vraiment un nombre de trucs incroyables. Donc, il a gagné 3 titres avec ce club de Huddersfield, ensuite 3 titres avec Arsenal. Donc, en changeant milieu, avec notamment une finale de coupe entre les deux en 1930, où donc il a quitté Huddersfield pour Arsenal et où il bat son ancienne équipe avec Arsenal. Et en fait, surtout, Arsenal, il a inventé une nouvelle tactique. La tactique. En gros, à l'époque, le foot, c'est n'importe quoi. Ça se joue essentiellement en Angleterre et c'est tout le monde devant. Donc, c'est à peu près la tactique baby-foot. Je sais pas si vous voyez. Hein. Donc, c'est quoi? 2 derrière, 3 au milieu, 5 devant. Donc, c'est exact, c'est ça. Hein. Vraiment le foot à l'époque. 5 au milieu, 3 devant. Et en 1925, la Fédé change une règle, la règle du hors-jeu. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il faut 2 joueurs, donc entre la ligne de but et l'attaquant. Pour qu'il ne soit pas en jeu. À cette époque-là, avant ça, c'était 3. Ouais. Et donc, ça a vraiment tout changé parce que la fédération a fait ça parce qu'il y avait de moins en moins de buts. Ça devenait n'importe quoi. Tout le monde jouait le hors-jeu. Tout le monde était devant. C'était surtout Newcastle qui jouait le hors-jeu à cette époque-là. Je crois que la grosse blague de l'époque, c'était quand t'arrivais en gare de Newcastle et que t'entendais le chef de gare siffler, tu disais merde, tu es déjà hors-jeu. Et donc là. Derrière. Il va avoir une idée avec cette évolution des règles, c'est de changer un de ses joueurs, puisqu'il y avait 5 attaquants. Il va faire passer un de ses attaquants en défense pour trouver un troisième défenseur. Donc on se passe à 3 défenseurs. À l'époque, on dit que c'est une révolution. Déjà, on dit que le foot est trop scientifique avec ça, qu'il y a trop de tactique, que 3 défenseurs ça tue le jeu. Vous imaginez aujourd'hui? Peut-être ce que se disent nos auditeurs en ce moment. Donc bon, bref, sur ces 3 défenseurs, donc il reste 2 milieux de terrain défensifs. Et donc, 5 joueurs devant, 2 qu'on appelle les inters au milieu, 3 devant, donc avec des ailiers en avant-centre. Ce qui nous fait un WM, un M en défense, avec 3 joueurs derrière, plus 2 milieux défensifs devant, et 5 joueurs devant, donc pour le coup représentant le W, avec donc ses 2 ailiers, son buteur et ses 2 inters. Et donc, cette tactique va avoir de beaux jours devant elle, hein, elle va vraiment être adoptée partout. Donc les Anglais vont plus jouer que comme ça jusqu'aux années 50 et à leur rencontre avec la formidable équipe de Hongrie des années 50 qui va pour le coup leur mettre 2 claques exceptionnelles. Alors, je crois qu'il y a un 6-3. Il y a un 7-1 ou un 7-2 derrière. Ouais, exact. L'époque, ils les voient arriver, ils se disent, ils ont même pas les bons équipements, ils voient un petit gros qui court. C'est le major galopant, et ils lui disent, regarde-moi ce mec-là, enfin, on va les tosser, quoi. Et donc, la Hongrie, pour le coup, elle avait encore une fois révolutionné le jeu, puisque elle proposait un truc différent, le 4-2-4. Et c'est après que les équipes vont passer au 4-2-4. Donc voilà, petite page historique, juste pour vous parler de ce grand visionnaire du football. Je vous ai pas parlé, je pense, de toutes ses inventions, mais il a inventé un nombre de trucs incroyables. Le fil à couper le beurre, d'ailleurs. Le fil à couper le beurre, l'eau chaude, la poudre à canon, enfin. Et le kung fu. Bah d'accord, bah écoute, voilà. Merci beaucoup, je crois qu'on peut l'applaudir malgré tout. Ou pas. Oui. Ouais. En tout cas, je te reconnais comme un de mes chroniqueurs. En plus, ça, la citation de Cantona qui s'est rachetée. Bravo. Bravo, c'est la rédemption. La rédemption de Jérémy Perrault aujourd'hui. Perrault, la science. Alors par contre, Jérémy, je suis désolé de t'annoncer, je sais pas comment tu vas le prendre, mais tu sais qu'un conseil de discipline s'est réuni, le fameux conseil de discipline de notre émission, suite à ta rubrique sur le Catenaccio, et nous avons décidé déjà de te maintenir dans le groupe puisqu'un un transfert à RSP Sport étant donné la teneur de ton émission était envisageable. Alors par contre, on a pris une décision unanime, je tiens à le dire, c'est qu'en fait la semaine prochaine, en tout cas ou le prochain épisode, un sujet te sera imposé et c'est les tactiques du FC Barcelone. Donc tu choisis ce que tu veux faire, mais ce qu'on te demande, c'est de l'objectivité et même à la fin, une pointe de subjectivité avec un amour. Il faut que tu manifestes ton amour pour le FC Barcelone d'une certaine manière. Donc voilà, c'est un défi pour toi. Mais c'est un club. L'intitulé exact du sujet, c'est la grande et belle histoire du FC Barcelone. Par Jérémy Perrault. Voilà. Bon, je suis quand même content d'avoir échappé à la peine capitale. Bon, je vais me plier à cette tâche avec une pointe d'amertume, mais néanmoins beaucoup d'abnégation. Très belle réponse. Bravo. Écoutez, c'est fini pour cette émission. Je voudrais tous vous remercier. On va tous aller mater la Ligue des Champions ce soir et demain soir. Ça va être génial. Avec Barcelone. Et puis voilà, on se retrouvera la semaine prochaine avec les résultats des matchs allés et cette superbe chronique de Perrault la Science. Et une journée de Ligue 1. Ouais, aussi, oui, bien sûr. Ouais. Pas aussi, d'abord. Deux journées de Ligue 1. Le rattrapage mercredi. Ah oui, ça va être le grand choix, c'est Bordeaux. Écoutez, merci beaucoup les gars et puis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao. Ciao. Non, j'ai pas vu encore. Mais... Bah allez, on part. C'est perdre son temps. La belle temps. Les yeux là. Medley. Les rois du monde ont tout ce qu'ils veulent. Les rois du monde sont les plus beaux. Les rois du monde là-haut s'ennuient. Il a une petite sœur pour sa défense. Il a une petite sœur. J'espère que c'est l'excuse qui tient. Quoi. Bah, allez. Où du tout.